L'amie prodigieuse de Elena Ferrante. Traduit de l'italien par Elsa Damien. Lenou et Lilla sont deux petites filles qui habitent dans un quartier populaire de Naples. C'est un monde plein de violence dans lequel les maris battent leurs femmes, tandis que les femmes entre elles se disputent sans cesse. Baignées dans la chaleur et la poussière, les terrains de jeu se transforment en scènes de bagarre. Lenou est fascinée par Lilla qui a le même âge qu'elle. Elles font les 400 coups. Mais c'est Lilla la meneuse et Lenou la suit, à la fois terrorisée et subjuguée. Deuxième épisode, les 400 coups. Lilla apparut dans ma vie en première année de primaire et elle me fit tout de suite impression parce qu'elle était très méchante. Nous étions toutes un peu méchantes dans cette classe, mais seulement quand la maîtresse, Madame Oliviero, ne pouvait nous voir. Lilla, en revanche, était tout le temps méchante. Un jour, Lilla réduisit le papier toilette en tout petits morceaux. Elle commença par glisser les fragments obtenus un à un dans l'ouverture de son encrier, puis elle se mit à les repêcher avec sa plume et à les lancer sur nous. Je fus atteinte deux fois dans les cheveux et une fois sur mon col blanc. Cerullo, viens tout de suite au tableau, tu mérites une punition. Lilla n'obéit pas, ne parut même pas effrayée et continua à lancer autour d'elle des bouts de papier trempés dans l'encre. Cerullo, c'est inadmissible, va au coin tout de suite et presse-toi. Enfin, on n'a jamais vu un tel comportement. Mais presse-toi, voyons. Qu'est-ce que tu attends? La maîtresse resta là, allongée par terre, comme morte. Je ne me souviens pas de ce qui se passa immédiatement après. Je me rappelle juste le corps immobile de la maîtresse comme un tas de linge noir. Et Lilla qui la fixait, le visage sérieux. J'ai en mémoire de nombreux accidents de ce genre. Nous vivions dans un monde où enfants comme adultes se blessaient souvent. De ces blessures, le sang jaillissait. La suppuration survenait et parfois on en mourait. Le père de ma mère avait été tué lorsqu'il construisait un immeuble et en était tombé. Le père de M. Pelluso avait perdu un bras. C'était sa toupie de menuisier qui le lui avait traîtreusement coupé. L'aîné des enfants de Don Achille, je ne l'avais jamais vu et pourtant j'avais l'impression de m'en souvenir, avait fait la guerre et il était mort deux fois. D'abord noyé dans l'océan Pacifique et puis mangé par les requins. La famille Melchiorre tout entière était morte se tenant enlacée, hurlant de peur sous un bombardement. Luigina, c'est le typhus pétéchial qui l'avait tué. Notre monde était ainsi, plein de maux qui tuaient. Le tétanos, le typhus pétéchial, le gaz, la guerre, la toupie, les décombres, le travail, le bombardement, la tuberculose, la suppuration. On pouvait aussi mourir de choses qui avaient l'air normales. On pouvait mourir, par exemple, si on était en sueur et qu'on buvait l'eau froide du robinet sans s'être au préalable mouillé les poignets. Alors on se retrouvait couvert de petits boutons rouges, on se mettait à tousser et on n'arrivait plus à respirer. On pouvait mourir si on mangeait des cerises noires sans en cracher le noyau. Et surtout, on pouvait mourir si on se prenait un coup sur la tempe. La tempe était une zone extrêmement fragile et nous y faisions toutes très attention. Il suffisait de recevoir une pierre, or pour nous, les jets de pierre, c'était la routine. La guerre est déclarée ! Ouais ! Et en plus, on va gagner ! Menteuse ! Tricheuse ! Menteuse ! Non, mais vous êtes chers, parce qu'on est trop. Allez, c'est ça ! Quand les cailloux arrivaient, tout le monde s'enfuyait, à part Lilla, qui continuait à avancer d'un pas régulier et parfois même s'arrêtait. Elle était très douée pour étudier la trajectoire des pierres et les esquiver d'un mouvement calme qu'aujourd'hui je qualifierais d'élégant. Elle avait un frère plus âgé qu'elle, Rino, et peut-être qu'il lui avait appris à faire ça, je ne sais pas. Moi aussi j'avais des frères, mais plus petits, et ils ne m'apprenaient rien du tout. Quand je me rendais compte que Lilla était restée en arrière, je m'arrêtais pour l'attendre, même si j'avais très peur. Déjà à cette époque, quelque chose m'empêchait de l'abandonner. Je lui passais des pierres et en lançais moi aussi. Mais je le faisais sans conviction. J'ai fait beaucoup de choses ainsi dans ma vie, sans conviction. Et je me suis toujours sentie comme détachée de mes propres actions. En revanche, depuis qu'elle était petite, Lila se caractérisait par une détermination absolue. Enzo, tu vas voir ce que tu vas voir. Prends ça. Le caillou glissa sur la peau d'Enzo comme un rasoir, lui laissant une marque rouge dont le sang sortit immédiatement. Enzo, malgré sa cheville ensanglantée, se remit de sa stupeur et lança le caillou qu'il avait en main. Lila, Lila, ça va, réponds-moi. Lila, s'il te plaît, parle-moi, réponds-moi. Elle était étendue sur le trottoir, le crâne fendu. Je ne suis pas nostalgique de notre enfance. Elle était pleine de violence. Je ne crois pas avoir jamais pensé que la vie qui nous était échue fut particulièrement mauvaise. C'était la vie, un point c'est tout. Nous grandissions avec l'obligation de la rendre difficile aux autres avant que les autres ne nous la rendent difficile. Bien sûr, j'aurais aimé avoir les manières courtoises que prêchaient la maîtresse et le curé, mais je sentais qu'elles n'étaient pas adaptées à notre quartier, même pour les filles. Les femmes se battaient entre elles encore plus que les hommes. Elles s'agrippaient par les cheveux et se faisaient mal. Se faire mal, c'était une maladie. Quand j'étais petite, j'avais imaginé que des bêtes minuscules, presque invisibles, venaient la nuit dans notre quartier. Elles sortaient des étangs et des herbes nauséabondes qu'on appelait des fotientes. Elles sortaient des pierres et de la poussière et elles pénétraient l'eau, la nourriture et l'air, rendant nos mères et nos grands-mères aussi enragées que des chiennes assoiffées. Elles étaient plus contaminées que les hommes, car si ces derniers passaient leur temps à se mettre en colère, ils finissaient toujours par se calmer. Tandis que les femmes, en apparence silencieuses et accommodantes, lorsqu'elles s'énervaient, allaient jusqu'au bout de leur furie et ne connaissaient plus de limites. Lila fut très marquée par ce qui arriva à Melina Capuccio, une parente de sa mère, et je le fus aussi. Melina habitait le même immeuble que mes parents. Elle n'avait guère plus de 30 ans et 6 enfants, mais pour nous c'était déjà une vieille femme. Son mari avait le même âge qu'elle et il déchargeait des cajots au marché aux fruits et légumes. Une nuit, il sortit de chez lui, comme d'habitude, et il mourut. Peut-être assassiné, peut-être de fatigue. Son enterrement fut particulièrement triste et tout le quartier y participa. On est là, maman, t'inquiète pas. Au début, Melina fut très aidée par Donato Saratore, son voisin. Donato fréquentait assidûment l'église de la Sacra Familia et en bon chrétien, il s'employa beaucoup pour elle en collectant de l'argent et en plaçant Antonio, l'aîné des enfants, dans le garage de Gorrezio, une de ses connaissances. Melina lui en fut tellement reconnaissante que sa gratitude se transforma, dans son cœur de femme éplorée, en amour. En passion. Tu peux peut-être réparer la fuite sous l'évier. On se demandait si Saratore s'en était jamais rendu compte. J'y comprends rien. C'était un homme tout à fait cordial, mais très sérieux. Maison, église et travail. Il faisait partie du personnel roulant des chemins de fer et touchait un salaire fixe avec lequel il faisait vivre confortablement sa femme Lydia et leurs 5 enfants, dont le plus âgé s'appelait Nino. Quand il n'était pas en voyage sur la ligne Napoli-Paola aller-retour, il passait son temps à réparer une chose ou une autre à la maison, aller faire les courses ou promener leur dernier né en poussette. Autant d'activités aberrantes dans notre quartier. Personne ne se disait que Donato se prodiguait pour soulager sa femme. Non, tous les hommes du quartier, mon père en tête, pensaient que c'était un homme qui aimait faire la femme. D'autant plus qu'il écrivait des poèmes qu'il lisait volontiers à tout un chacun. Cela ne vint jamais à l'esprit de Melina. La veuve préféra imaginer que, par bonté d'âme, il laissait sa femme le mener par le bout du nez. Elle décida alors d'attaquer férocement Lydia Saratore pour libérer son mari de son emprise et pour permettre à celui-ci de s'unir enfin à elle. Tu ne mérites pas, sorcière! Je te hais! De quoi tu m'as traité, là? Nara! Ah, Giocola! Latrina! La guerre qui suivit m'amusa plutôt, au début. On en parlait chez moi comme chez les autres avec des rires méchants. Sa tête s'est cognée par terre, comme quand un melon t'échappe des mains. Une montagne avec une barre qui coupe la montagne en deux. Qu'est-ce que ça fait ? L'île, là. Le jour où Madame Oliviero tomba de l'estrade et alla cogner sa joue contre la table, moi, comme je l'ai dit, je crus qu'elle était morte. Morte au travail comme mon grand-père ou comme le mari de Méline. Et il me sembla du coup que Lila aussi allait mourir à cause de la punition terrible qu'elle allait recevoir. Pourtant, pendant une période que je ne puis définir, brève ou longue, il ne se passa rien. Quand Madame Oliviero revint à l'école vivante, elle se mit à s'occuper de Lila, non pas pour la punir, comme cela nous aurait semblé naturel, mais pour chanter ses louanges. Cette nouvelle phase commença quand la mère de Lila, Madame Cerullo, fut convoquée à l'école. Bonjour les enfants. Bonjour monsieur le directeur. Madame Oliviero, c'est Madame Cerullo qui est venue vous voir. Nunzia Cerullo entra méconnaissable. Elle apparut dans sa robe de cérémonie, tout en noir, avec un petit sac à main brillant et des chaussures dotées d'un petit talon qui faisait souffrir ses pieds gonflés. Bonjour Madame Oliviero. Tenez, c'est pour vous. C'était pas grand-chose, je m'excuse. Juste un paquet de sucre et un paquet de café. Ah, comme c'est aimable, je vous remercie mille fois. Vous allez voir, Madame Cerullo. Oui. Cerullo, oui. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? Soleil. Nunzia se tourna vers la maîtresse et son regard était hésitant, presque effrayé. Ah, c'est bien, c'est ce qui est écrit. Soleil. Sur le coup, Madame Oliviero n'eut pas l'air de comprendre pourquoi, dans ses yeux de mère, elle ne voyait pas l'enthousiasme qui était le sien. Mais ensuite, elle dut se douter que Nunzia ne savait pas lire. Cerullo, viens au tableau. Écris craie. Lila, très concentrée et avec une écriture tremblante, écrivit craie. C-R-A-I. Madame Oliviero ajouta le E. Pourquoi tu rigoles ? Tu sais l'écrire, toi, peut-être ? Oh, tu t'es trompée. Non, non, non, Lila doit s'exercer, c'est vrai. Mais elle sait déjà à la fois lire et écrire. Qui lui a appris ? Oh, pas moi. Mais chez vous ou dans votre immeuble, est-ce que quelqu'un a pu le faire ? Non, non, non. Non. Mais qui est-ce qui t'a appris à lire et à écrire ? Cerullo ? Moi. D'après Rino, le frère aîné de Lila, la petite fille avait appris à lire quand elle avait 3 ans environ en regardant les lettres et les dessins de son abécédaire. Elle s'asseyait à côté de lui dans la cuisine quand il faisait ses devoirs et elle parvenait à retenir beaucoup plus de choses que lui. Rino avait presque 6 ans de plus que Lila. C'était un garçon courageux qui excellait à tous les jeux dans la rue comme dans la cour. Mais lire, écrire ou apprendre des poésies par cœur, ça n'était pas pour lui. Alors qu'il n'avait pas même 10 ans, son père Fernando, pour lui apprendre le métier, avait commencé à l'emmener tous les jours dans son cagibi de cordonnier. Nous, les petites filles, nous nous moquions de lui et l'appelions vieille semelle. C'est peut-être pour cela qu'il se vantait d'être à l'origine du talent de sa sœur. En réalité, il n'en avait jamais eu d'abécédaire. Il ne s'était jamais assis pour faire ses devoirs, ne serait-ce qu'une minute. Ça, c'est un R. Il était plus probable que Lila ait compris précocement comment l'alphabet fonctionnait grâce aux pages des journaux dans lesquelles les clients enveloppaient leurs vieilles chaussures et que son père ramenait parfois à la maison pour lire à la famille les faits divers les plus intéressants. Quoi qu'il en soit, les faits étaient là. Lila savait lire et écrire. Et de ce matin gris où la maîtresse nous le révéla, il m'est resté avant tout en mémoire la sensation de faiblesse que cette nouvelle laissa en moi. Tout de suite, dès le premier jour, j'avais trouvé que l'école, c'était beaucoup mieux que la maison. Dans le quartier, c'était l'endroit où je me sentais le plus en sécurité. Et j'étais très émue en y allant. J'étais attentive aux cours, faisais avec la plus grande application ce qu'on me disait de faire, et j'apprenais tout. Mais surtout, j'aimais plaire à la maîtresse. En fait, j'aimais plaire à tout le monde. Chez moi, j'étais la préférée de mon père. Et mes frères aussi m'aimaient. Le problème, c'était ma mère. J'avais à peine plus de 6 ans, mais j'avais déjà l'impression qu'elle faisait tout pour me faire comprendre que dans sa vie, j'étais de trop. Je ne lui plaisais pas et elle ne me plaisait pas non plus. Son corps me révulsait et elle devait le sentir. Ses cheveux tiraient sur le blond. Elle avait les yeux bleus et une poitrine opulente. Mais on ne savait jamais trop de quel côté son œil droit regardait. Et sa jambe droite non plus ne lui obéissait pas. Elle disait que sa jambe s'était vexée. À l'évidence, ma mère n'était pas heureuse. Les travaux domestiques l'épuisaient et nous n'avions jamais assez d'argent. Elle s'énervait souvent contre mon père qui était portier à la mairie. Ils se disputaient. Ça va pas continuer comme ça longtemps. Mais comme mon père n'élevait jamais la voix, même quand il perdait patience, je prenais toujours son parti contre elle, même si parfois il la battait et si, avec moi, il pouvait se montrer menaçant. C'était lui, et non ma mère, qui m'avait dit, lors de mon premier jour d'école... Lenuccia. Oui. Si tu es gentille avec la maîtresse, on t'envoie à l'école. Mais si tu n'es pas gentille, et si tu n'es pas la meilleure, papa a besoin d'aide. Alors tu iras travailler. Oui, papa. Je leur avais promis à tous deux que je serais une bonne élève, et je devins la préférée de la maîtresse. Puis vint le jour où la mère de Lila entra dans notre classe et où Madame Oliviero nous révéla que Lila était très en avance sur nous toutes. Mais chez vous ou dans votre immeuble, est-ce que quelqu'un a pu le faire ? Je ne sais pas ce que ce déclassement provoqua en moi. Sur le coup, peut-être rien. Ou bien un peu de jalousie comme tout le monde. Mais ce qui est sûr, c'est que je fus saisie d'une angoisse précisément à cette période-là. J'imaginais que, même si mes jambes marchaient normalement, je courais à tout moment le risque de me mettre à boiter. Je me réveillais avec cette idée en tête et me levais aussitôt pour vérifier si mes jambes étaient encore en bon état. C'est peut-être pour ça que je devins obsédée par Lila, avec ses jambes très maigres, nerveuses, qui bougeaient sans arrêt. Quelque chose me persuada que si je la suivais et lui emboîtais toujours le pas, alors la démarche de ma mère, qui était entrée dans mon cerveau et n'en sortait plus, cesserait de me menacer. Je me consacrais à l'école et à un tas d'autres choses difficiles qui m'étaient étrangères, seulement pour rester à la hauteur de cette gamine terrible et fulgurante. Ce fut un mal-être durable qui persista plusieurs années. Mais au moment même où il commençait, de façon inespérée, je reçus ma première déclaration d'amour. J'étais allée acheter le pain en traînant les pieds et je rentrais à la maison, la monnaie bien serrée dans mon poing pour ne pas la perdre, la miche encore chaude contre ma poitrine, quand Nino Saratore m'appela. Hé, hey, Lenou, je voulais te dire... Quoi ? Quand on sera grand, je veux me marier avec toi. Tu veux être ma petite amie ? Non, je peux pas. Désolée. À partir de ce jour, je me mis à l'esquiver à chaque fois que je le voyais. Et pourtant, je le trouvais tellement beau. Il ne pouvait savoir combien je me sentais déboussolée, ni toute l'angoisse que me procurait la perte de Tine à ma poupée, ni combien l'effort de toujours suivre Lila m'épuisait, ni à quel point l'espace confiné de la cour, des immeubles et du quartier m'ôtait le souffle. Longtemps, il me lança de loin de longs regards apeurés. Et puis, à son tour, il commença à m'éviter. Lila, Lila. Pendant un moment, il dut craindre que je ne parle aux autres gamines, et surtout à sa sœur, de la proposition qu'il m'avait faite. Et je fus tentée de tout raconter. Mais finalement, je laissai tomber et ne le dis à personne. Même pas à Lila. peu à peu, moi-même j'oubliais cette histoire. Elle me revint à l'esprit quelque temps plus tard quand toute la famille Saratore déménagea. C'est la compagnie du chemin de fer. Donna a eu un nouvel appartement près de la Piazza Nazionale. Mais non, c'est sa femme qui l'a obligée à déménager. Elle veut échapper à Mélina avant qu'elle lui prenne son mari. Toutes, grandes et petites, nous étions à nos fenêtres, peut-être pour saluer de la main la famille qui s'en allait, peut-être pour assister au spectacle de la rage de Mélina, cette femme laide, sèche et veuve. Était-il vrai, comme je l'avais entendu murmurer, qu'elle avait eu un enfant avec Saratore et qu'elle l'avait tué? Je cherchais à croiser le regard de Nino, mais il semblait avoir autre chose à faire. Je fus saisie alors, comme d'habitude, sans aucune raison précise, d'un épuisement qui semblait rendre mou tout ce qui m'entourait. Je pensais que Nino m'avait peut-être fait sa déclaration parce qu'il savait déjà qu'il allait partir et qu'il voulait me dire avant ce qu'il éprouvait pour moi. Je le regardais, tandis qu'il s'essoufflait à transporter des caissettes débordantes d'objets et sentit l'erreur, la douleur de lui avoir dit non. Nino ! D'accord ! Lydia Saratore apparut, habillée comme pour aller à une fête. Elle portait même un petit chapeau d'été en paille bleue. Mais c'est Mélina. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais laisse-moi voir. Elle jette des choses. Qu'est-ce qu'elle jette? Des assiettes. C'est comme pour le nouvel an. La charrette s'ébranla. Rasant le mur sans saluer personne, Lydia et ses quatre plus jeunes enfants se glissèrent vers la grille, tandis que Nino paraissait n'avoir aucune envie de s'en aller, comme hypnotisé par tout ce gâchis d'objets fragiles qui s'écrasaient sur l'asphalte. Enfin, je vis voler par la fenêtre une espèce de tache noire. C'était un fer à repasser, tout en fer, manche en fer et bas en fer. Le fer atterrit à quelques centimètres de Nino et manqua de le tuer de très peu. À suivre. L'amie prodigieuse de Elena Ferrante, traduit de l'italien par Elsa Damien. Adapté par Victoire Bourgois. Deuxième épisode, Les 400 coups, avec Amira Kazar, Emilia Cazzorzi, Angèle Bertin, Johanna Cortals-Altès, Edith Baldi, Pascal Camerbeck, Bruno Guerri, Isabelle Catalan, Bruno Labrasca, Françoise Cousin, Jean-Charles Di Zazzo, Émile Coller, Anselmo Pace, e Barbara Cerrato, Rebecca Salmoni, Enzio Carandente. Musique originale, Arthur B. Gillette. Conseillère littéraire, Catel Guillou et Emmanuel Chevrière. Bruitage, Céline Bernard. Prise de son, montage et mixage, Julien Doumingue et Bastien Varigo. Assistant à la réalisation, Pablo Valero. Réalisation Sophie Haute-Picon. L'Amie prodigieuse est éditée aux éditions Gallimard.